On va continuer avec une chanson sur les questions qu'on se pose de temps en temps dans la vie. Il y a les grandes questions et défont le destin des nations. Il y a les questions d'amour, où il est souvent question de toujours. Il y a les questions des enfants, qui demandent d'où vient le vent. Il y a les questions des parents qui se demandent où vont leurs enfants. Il y a les choix, les interrogations, les qui, les que, les quoi, et les hésitations. Il y a les pourquoi, les tergiversations, les merdes, qu'est-ce qu'on fout là? Et les qu'en dira-t-on? Des certitudes. Après coup, il n'en reste plus beaucoup. Les questions d'argent qui empêchent les petits et pourrissent les puissants. Il y a les questions d'honneur pour lesquelles certains sont prêts à s'arracher le cœur. Il y a les questions quotidiennes, chaque jour, chaque nuit, chacun les siennes. Il y a les questions citoyennes pour qu'on lutte et qu'on se souvienne. Il y a les choix, les interrogations, les qui, les que, les quoi, et les hésitations. Y a les pourquoi, les tergiversations, les merdes, qu'est-ce qu'on fout là, et les qu'en dira-t-on, des certitudes. Après coup, il n'en reste plus du tout. Merci. Il y a des amis à nous qui appellent ça une fin à la Sardou.